Dur comme du bois, sur la grande allée d'aller, on n'a pas vraiment cherché à se trouver. Dernier cri, dernier cran, on se donne le là, on s'ennuie, on s'envoie quelques vers délicats. Sur la grande allée d'aller, j'ai posé mes lèvres sur ta nuque salée. Ça paraît si facile comme ça, mais c'est une tonne de fracas. Une vie parfois ne suffit pas, ça paraît si facile comme ça. Mais attention aux verglas, aux éboulis de gravats. Sur la grande allée d'aller, j'ai posé mes lèvres sur ta nuque salée. Mise en pli, mise en plan, suivez-nous, c'est tout droit. Confetti, confetti, ça, autant qu'on le voudra. Sur la grande allée d'aller, même le soleil est venu nous saluer. On se dit, on se doit un demi, jamais trois, un navire à en avoir rien que pour toi et moi. Sur la grande allée d'aller, on n'a pas vraiment cherché à se trouver. Ça paraît si facile comme ça, mais c'est une tonne de fracas. Une vie parfois ne suffit pas, ça paraît si facile comme ça. Mais attention au verglas, aux éboulis de gravats. Sur la grande allée d'aller, même le soleil est venu nous saluer. Dernier cran, on se donne le là, on s'ennuie, on s'envoie quelques vers délicats. Ça paraît si facile comme ça, mais c'est une tonne de fracas. On s'ennuie, on s'en doit rien que pour toi et moi. Confetti, confetta, autant qu'on le voudra. Sur la grande allée d'aller, j'ai posé mes lèvres sur ta nuque salée. Ça paraît si facile comme ça, mais c'est une tonne de fracas. Une vie parfois ne suffit pas, ça paraît si facile comme ça. Mais attention aux verglas, aux éboulis de gravats. Sur la grande allée d'aller, même le soleil est venu nous saluer. Je m'en souviens pas, un tourni, un tournant, j'y crois dur comme du bois. Sur la grande allée d'aller, on n'a pas vraiment cherché à se trouver. Ça paraît si facile comme ça, mais c'est une tonne de fracas. Une vie parfois ne suffit pas, ça paraît si facile comme ça. Mais attention aux verglas, aux éboulis de gravats. Sur la grande allée d'aller, j'ai posé mes lèvres sur ta nuque salée. Salut. Pas la tienne, hein. Une autre. Merci.